bienvenue à votre podcast hebdomadaire du Lobster, enregistré dans les studios de Notre-Dame de l'Île-Perrot, des studios qui, ma foi, ressemblent grandement à une cuisine. Voici votre dose de divertissement où le plaisir et la bonne humeur sera toujours au rendez-vous. Accueillez-le avec amour, votre animateur, Freddy Boy! Allô, allô! Bienvenue au Lobster 75.0, un lobster qui se distingue par son numéro unique cette semaine. Et oui, il n'y aura jamais d'autre lobster portant le numéro 75.0 autre que celui-ci. Voilà, c'est dit. Comment allez-vous cette semaine? Moi, ma folie du kayak se poursuit. J'en fais tous les jours, c'est ma nouvelle passion. J'en fais peut-être même un peu trop, car je n'arrive plus à avancer la BD que je dessine. Je crois que je fais une ou deux cases par semaine, et c'est tout, car je suis trop fatigué le soir. Faire du kayak dans les vagues tire pas mal toute mon énergie. Mardi passé, j'ai vécu mon premier problème en kayak. Enfin, pour faire clair, j'ai failli couler. Sur le fleuve, c'était une journée avec des vents sud-ouest, des vents que je n'avais jamais eu encore. Il faut croire que les vents venant du sud-ouest donnent des grosses vagues. Environ 2 pieds. Ben, d'après mon évaluation approximative. Bon, pour quelqu'un qui fait du surf, 2 pieds, c'est pas des grosses vagues, c'est des vaguelettes. Pour moi, un petit kayak de rivière de 9 pieds de long, c'est du sport. Je monte et je descends dedans, et si je fonce dedans avec vitesse, elle me passe dessus parfois. C'est ce que j'aime faire. Je reste dans le même spot où les vagues sont les plus fortes et je fonce dedans et reviens. Je fais ça pendant une heure ou deux et je suis épuisé à la fin. Mais mardi, après une heure, je trouvais que quand je revenais du large, j'avais de plus en plus de mal. Les vagues embarquaient même par derrière, ce qui ne m'était jamais arrivé. Et pourtant, j'avais quasiment pas d'eau à mes pieds. Bref, j'ai pas soupçonné ce qui se passait. Mon frère m'a passé deux kayaks. Les deux sont pareils, en apparence. Et c'est ce que j'ai appris à mes dépens. Les deux kayaks ont un compartiment arrière dans lequel on met nos choses au sec. Mais un des kayaks, avec le temps, son joint qui scelle la séparation avant et arrière était éventé. Donc, l'eau qui rentrait où j'étais assis se transportait tranquillement vers l'arrière et restait là. Et après une heure, ce compartiment était plein à la moitié, sans que je le voie. Et moi, je calais du derrière. Et dans les vagues, d'avoir un bateau rempli d'eau, c'est vraiment pas une bonne idée. Et à un moment donné, quand j'attaque les vagues, je fonce toujours dedans et me revire rapidement pour revenir vers le bord où c'est plus calme. C'est pour éviter de me prendre une vague de côté que je me vire assez vite. C'est pas mal juste ce genre de vague qui, je crois, peut me renverser. Eh bien, le kayak plein d'eau, moins manœuvrable, je me suis pas retourné assez vite et j'ai pris une vague de côté. Elle m'a pas renversé comme j'aurais pu croire, non, mais elle m'a rempli l'avant du kayak, un bon 10 à 15 litres d'eau. Et à ça, tu rajoutes le compartiment arrière à moitié plein. Le kayak flottait quasiment plus. J'étais au niveau de l'eau. Et chaque vague arrière que je prenais tous les 5 secondes passait par-dessus le derrière du kayak qui calait dans l'eau. Et donc, ça me rajoutait de l'eau à chaque fois. Heureusement, je fais du kayak toujours à la même place. Les plus grosses vagues sont où il y a une genre de pointe. Puis de la manière qu'est faite la baie, avec le reflux des eaux et les roches et tout ça, c'est au bout de cette pointe-là que ça brasse, mais c'est collé sur le bord. Donc, j'ai tout donné ce que j'avais dans les bras et j'ai réussi à revenir au bord chargé d'eau. Est-ce que j'ai eu peur? Ben, un petit peu. Le 2-3 minutes que durait mon retour en eau calme, j'étais sur les nerfs. Je savais que j'étais à deux doigts de couler. Bref, c'était le fun. J'ai vidé le kayak rendu sur le bord et je suis retourné chez moi. Mais l'histoire ne se termine pas là. Car à ce moment, j'ai pas réalisé que c'était le joint qui laissait l'eau passer. J'ai fait des tests rendus à la maison avec ma hose à jardin sans rien comprendre du problème. À ce moment-là, j'en suis venu à la conclusion que j'avais dû oublier de fermer le bouchon du compartiment arrière et que je m'étais rempli à cause de ça. Et vendredi, journée de gros vent, j'étais sur l'eau. Mais cette fois, j'avais invité mon collègue de bureau. Et c'est lui qui était dans le kayak problématique. Et devinez quoi? Je vous raconte ça après la pause. Everything's alive. On vient d'écouter la chanson Emmet, E-M-E-T, du groupe Reason Behind. C'est tout nouveau, ça vient de sortir le 20 août. Il y a seulement 75 vues sur YouTube en ce moment sur la vidéo. J'ai mon collègue de bureau qui est venu faire du kayak avec moi. Ça fait un bout de temps qu'on s'était dit qu'il faudrait qu'il vienne dans les vagues avec moi. J'arrête pas d'en parler et là, avec le long congé, ça a donné pour qu'on en fasse ensemble. Mes deux kayaks, comme je vous disais, sont pareils. Donc, arrivé à la rampe de mise à l'eau, il prend un des kayaks. Par hasard, il tombe sur le kayak avec le joint d'étanchéité problématique. C'est une journée de gros vent. On crie dans les vagues dès le départ. On a du fun. Je lui fais faire ma visite touristique du coin qui dure une bonne heure. On voit le grand héron, l'arbre aux racines rouges vifs, la forêt de Hent avec Sylvie Bard et un gros brochet mort de 18 pouces. Et en revenant, on décide de s'amuser dans les vagues. Il adore ça. Il fait même son comique en tirant de l'eau dans son kayak pour avoir plus de sensations. Car je lui ai déjà raconté ma mésaventure d'avoir failli couler dans l'eau et il trouvait ça drôle. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le derrière de son kayak est déjà à moitié plein. Et cette journée-là, c'est encore les vents d'automne. Ils ventent pas mal, mais avec le kayak plein d'eau, c'est à son tour de se faire remplir. Une vague arrière lui passe par-dessus et c'est là qu'on voit que son kayak est calé dans l'eau. Moi, je flotte bien, mais lui, il est au niveau de l'eau et il me dit que les grosses vagues embarquent en lui passant par-dessus. Bref, on retourne ensemble au bord et en sortant le kayak, on voit qu'il est pesant. Alors que d'habitude, je prends le kayak à une main, là, ça, on est deux pour le sortir de l'eau. Et on ouvre le compartiment arrière qui est, comme l'autre fois, à moitié rempli d'eau. Et on voit en penchant le kayak que l'eau du devant passe direct à l'arrière. C'est là que j'ai compris le problème avec ce kayak. Bon, mon collègue n'a pas coulé avec le kayak, mais ça m'a permis quand même de comprendre ce qui clochait. Et ce week-end, j'ai fait sécher le kayak comme il faut et j'ai refait le joint. Et depuis ce temps, j'ai plus de problèmes, plus de danger à amener du monde avec moi. Mais malgré tout, comme mon circuit touristique où j'amène des gens est direct dans les vagues, hier samedi, j'ai été explorer de nouvelles places. Et j'ai trouvé un nouveau coin vraiment extraordinaire. C'est de l'autre côté de mon île, à 10 minutes de chez moi. Cette fois, il faut pagayer dans le courant. On passe juste à côté des rapides de Sainte-Anne et on tombe dans un endroit avec quelques petites îles à visiter. Il y a un peu de courant, mais on arrive à des endroits tranquilles où il y a plein de choses à voir. La première chose que j'ai vue à l'île aux chèvres, c'est deux grosses tortues. Au début, je pensais que c'était des tortues en céramique que quelqu'un avait mis sur une roche pour décorer. Mais non, j'en vois une sauter à l'eau en arrivant et l'autre qui me regarde. Donc, j'ai pris le temps de bien la photographier. Ensuite, j'ai vu deux grands hérons. Aussi, il y avait une grande aigrette. C'est comme un héron, mais toute blanche. J'ai vu une belle petite hermine. Elle nageait dans l'eau et transportait un poisson qu'elle avait attrapé. Puis quand je me suis approché, elle n'était pas contente. Elle a abandonné son poisson et tournait autour de mon kayak en sortant la tête à tout bout de champ et en me regardant. Mais bon, j'ai fini par la laisser tranquille et elle a repris son poisson. Ensuite, plus loin, sur le bord de l'île du Nil, j'ai trouvé un gros rat musqué mort. Je l'ai sorti de l'eau et mis sur mon kayak pour le regarder. Je ne sais pas de quoi il est mort, mais c'est la première fois que j'en voyais un. Ensuite, sur une autre petite île, j'ai vu des fleurs rouges à distance. Donc, je me suis approché de l'île et j'ai débarqué. Et j'ai été accueilli par une grosse couleuvre aquatique. Mais dès qu'elle m'a vu, elle a sauté dans l'eau. Elle était sûrement en train de chasser les grenouilles. Mais sinon, les fleurs rouges que j'avais vues au loin étaient des lobélies, des belles fleurs sauvages avec une fleur rouge vif. Finalement, durant la visite, je suis aussi arrêté à la maison de castor. C'est une grosse cabane qui ressort de l'eau. Et en restant proche, j'ai entendu du bruit à l'intérieur. J'imagine qu'il devait y avoir des castors dedans, mais malheureusement, je ne les ai pas vus. Mais tout autour, il y a du bois de coupé sur la grève et évidemment, il y a des écluses pour conserver l'eau. Donc, ce nouveau circuit qui me prend une heure environ à faire en kayak est mon nouveau circuit où je vais amener les gens qui sont moins familiers avec le kayak et qui n'aimeraient pas vraiment être dans les vagues. Là, c'est tranquille, il faut juste remonter le courant à un moment donné. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas tanné de mes histoires de kayak car il va sûrement y en avoir d'autres. Je viens juste de m'acheter un wetsuit pour pouvoir faire du kayak dans l'eau froide cet automne. Tant que ça ne gèlera pas, mon plan est d'en faire dans les grands vents. Hier soir, à la noirceur, j'ai testé mon wetsuit. Je connaissais pas ça, donc je l'ai enfilé comme le préposé m'avait montré. J'ai tout zippé comme il faut et je suis embarqué dans ma piscine à l'eau froide, mais j'ai rien senti de l'eau. Et en plus, je flotte. Je fais juste me laisser aller et je flotte automatiquement. Donc, c'est vraiment merveilleux un wetsuit. Ça m'a coûté un 200$ chez Decathlon pour un modèle complet qui va dans le bas des jambes et au bout des bras. C'est indiqué sur la manche que je peux rester 2 heures dans l'eau à 54 degrés Fahrenheit ou 12 Celsius si vous aimez mieux. Moi, en fait, je voulais un wetsuit seulement au cas où je tomberais à l'eau durant les premières tempêtes de neige où l'eau du fleuve sera, j'imagine, plus froide. Théoriquement, je ne devrais pas aller dans l'eau, mais si jamais ça arrive, au moins, je n'aurai pas de choc thermique avec le wetsuit et je pourrai nager jusqu'au bord sans craindre l'hypothermie. Et quand j'ai retiré le wetsuit hier soir, le peu d'eau qui était entrée et qui était collée sur ma peau était chaude. Elle était à la température de mon corps. Donc, ça marche vraiment bien. Bon, on repart en musique et au retour, on parle des lois idiotes qui existent dans divers pays. J'ai lu ça hier et je trouvais ça comique. Yeah! Le passé ne meurt jamais. James, le destin nous réunit à nouveau. À présent, ton ennemi est mon ennemi. Il s'appelle Savin. Qu'est-ce qu'il veut ? Se venger ? Moi ? Dès que son secret remontera à la surface, ça te tuera à coup sûr. Comprenez que je veuille revenir dans la partie. Il y a une jeune femme à Santiago que j'aimerais que tu rencontres. Vous êtes en retard. C'est quand vous voulez. Salud. J'ai rencontré votre nouvelle 00, une jeune femme vraiment désarmante. Je comprends que vous lui ayez tiré dessus. Tout le monde a essayé au moins une fois. James Bond. Nous éradiquons des gens, tous les deux. Pour créer un monde meilleur. Mais moi, j'essaie d'être un peu plus méticuleux. Bond. Où êtes-vous encore ? Mourir peut attendre, No Time to Die est le prochain film de James Bond dont la sortie est prévue au 12 novembre au Royaume-Uni et supposément le 25 novembre ailleurs dans le monde. T'sais, on vient d'entendre la bande-annonce. C'est le 25e film de la série de James Bond qui est produit. Le film met en scène Daniel Craig qui incarne pour la 5e et dernière fois l'agent secret après Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall et 007 Spectre. Cette fois-ci, James Bond n'est plus en service et profite d'une vie tranquille aux côtés de Madeleine Swann. Mais son répit est de courte durée car l'agent de la CIA, Felix Leiter, fait son retour pour lui demander son aide. Sa mission, qui est de secourir un scientifique enlevé, va se révéler plus traître que prévu et mener 007 sur la piste de sa fin, un ennemi possédant une nouvelle technologie particulièrement dangereuse. Voilà pour le synopsis. La chanson du générique, No Time to Die, est interprétée par Billie Eilish avec les arrangements orchestraux de Hans Zimmer. We were a pair, but I saw you there. Le film avait un budget de 250 millions. On verra bien comment il va rapporter au box-office dans un monde pandémique. La semaine passée, dans le dernier Lobster 74.0, je vous parlais de Tenet, premier film d'envergure qui est sorti dans les cinémas depuis la pandémie. Donc voici le statut pour Tenet. Il a ramassé 20 millions aux USA pour son premier week-end, ce qui est très décevant selon ce que je lis. Et au niveau mondial, il a eu un week-end de 78 millions de dollars. Malheureusement, avec un budget de 200 à 225 millions de dollars sans la promotion, Tenet est parti pour pas être bénéficiaire sur sa seule exploitation en salle. Là où le marché international reprend doucement du poil la bête, le marché américain est encore au ralenti. Donc, ça augure pas bien pour les films en salle. Tout ça me fait penser au film que je viens d'écouter sur Netflix samedi soir. Mais cherchant un film hors du commun, ne voulant pas écouter un film américain où c'est toujours la même recette hollywoodienne, je me suis lancé dans un film chinois en mandarin. Et là, je vous rassure, je ne parle pas mandarin, j'ai donc activé les sous-titres français pour ce film qui porte le nom de Double Worm. C'est un film qui, à cause de la pandémie, n'a pas été lancé au cinéma, mais directement sur Netflix et en vidéo sur demande en Chine sur IQIYI, parce que Netflix n'est pas disponible en Chine. Et que les cinémas sont aussi fermés en Chine depuis 6 mois sans date de réouverture. Ce film, Double World, avait un budget de 43 millions et contient 80% d'effets spéciaux qui sont vraiment bons pour avoir écouté le film jusqu'à la fin. Donc, je vous le conseille, c'est vraiment pas de la recette Hollywood. Aux trois quarts du film, il arrive des choses désastreuses et vers la fin du film aussi. J'utilise ici le mot « désastreuse » pour ne pas vous vendre de punch. Durant le film, j'ai parfois dit « oh non ». Et j'ai eu des moments de tristesse et d'espoir que ça s'arrange. Mais bon, je vous laisse l'écouter par vous-même. Moi, j'ai trouvé ça très bon. Le film, il se passe dans une Chine ancienne, un peu fantaisiste, dans un monde d'épées, de sorcellerie, de dragons et de tyrans. En gros, trois personnes de chaque clan sont invitées dans la ville royale pour représenter leur clan et avoir la chance de devenir seigneur de guerre dans une guerre à venir. Toute l'intrigue tourne autour de ça. Dans le clan Kinju, tout le monde t'appelle un déserteur. Quel est ton nom? Comment peux-tu profiter de la vie quand tous les gens de ton village t'appellent un bâtard? Le roi de la ville du Phoenix nous appelle car le jeu va recommencer bientôt. Il faut que trois d'entre nous aillent dans l'aréna. Il est temps de faire ce qui doit être fait. Donc voilà, ça vous donne une idée sur le genre de film que ça peut être. Maintenant, c'est le temps de lire les lois bizarres de Parlement. Je vous lis ça tel quel, peut-être que certaines choses ont été biaisées par une mauvaise traduction, mais pour avoir lu la portion sur le Canada et le Québec, c'était effectivement quasiment tout vrai. Donc, ça semble un article qui est bien fait. Le premier bout, les lois étranges sur le sexe dans le monde. Yeah, baby! Yeah. Par exemple, au Liban, les hommes peuvent, de par la loi, avoir des rapports sexuels avec des animaux du moment que ce sont des animaux féminins. Avoir des rapports sexuels avec des animaux masculins, c'est un délit qui est puni de mort. Dans le Bahreïn, la loi consent à un médecin de sexe masculin de faire un examen gynécologique à une femme, mais il ne peut regarder directement ses organes génitaux. Il peut seulement les voir dans un miroir. Encore dans le même coin de pays, il est interdit aux musulmans de regarder les parties génitales d'un cadavre, ce qui vaut également pour les croque-morts. Les organes sexuels des défunts doivent toujours être recouverts d'une brique ou d'un morceau de bois. Maintenant, on se transporte en Indonésie où la masturbation est punie par la décapitation. Ici, je tiens à passer un petit commentaire personnel. Que cette loi, si elle était vraiment appliquée rigoureusement, que je crois qu'il ne resterait pas grand monde de vivants sur la Terre. Maintenant, au Guam, il y a des hommes dont le travail à plein temps consiste à courir la campagne pour défleurer les jeunes vierges qui paient le privilège de connaître un homme pour la première fois. Le motif de cette loi, c'est que dans la loi de cette île, la loi stipule clairement qu'une femme vierge ne peut pas se marier. Donc, ils ont besoin de ces hommes-là pour pouvoir se marier. C'est un petit peu bizarre. À Hong Kong, une femme peut tuer son mari adultère. La loi le lui consent, mais elle peut le faire seulement à main nue. La maîtresse de son mari, par contre, elle peut la tuer comme elle veut. À Liverpool, Angleterre, la loi admet les vendeurs topless, mais seulement dans les magasins où l'on vend des poissons tropicaux. Je ne vois pas le rapport entre les poissons tropicaux et les vendeurs topless, mais bon... À Cali, Colombie, une femme ne peut avoir des rapports sexuels qu'avec son mari. La première fois, cependant, la mère de la femme doit être présente dans la pièce. À Santa Cruz, en Bolivie, un homme ne peut avoir des rapports sexuels avec la femme et sa fille en même temps. Donc, il peut, mais séparément. C'est bizarre. Dans l'État américain du Maryland, les machines de préservatifs sont illégales. Elles cessent de l'être seulement quand elles se trouvent dans des endroits où l'on vend des boissons alcooliques à consommer sur place. Donc, dans les bars, ils ont le droit d'en vendre. Voilà, c'était la section sur les lois bizarres sur le sexe. Yeah! Yeah, baby! Yeah. Maintenant, il y a des lois bizarres sur un peu n'importe quoi. Donc, au Royaume-Uni, il est légal pour une femme enceinte d'uriner dans le casque d'un agent. En gros, j'ai été vérifier cette loi-là, je me disais ça fait aucun sens, et ce qu'ils expliquent dans la loi, c'est qu'une femme enceinte peut uriner partout. Demandez-moi pas pourquoi ils ont mis ça en place, mais j'ai vraiment trouvé l'article de loi. Donc, pour le reste, j'ai pas été vérifié, mais comme une femme a le droit de faire pipi partout au Royaume-Uni, ben, elle a le droit de faire pipi dans le casque d'un agent. Toujours au Royaume-Uni, il est illégal de boire si vous possédez une vache. Donc, fouille-moi pourquoi, quand t'as une vache, t'as pas le droit de boire, c'est un petit peu bizarre. Toujours au Royaume-Uni, il est interdit de mourir au Parlement sous peine d'être arrêté. Et depuis 1313, les députés ne sont pas autorisés à revêtir une armure au Parlement. Aussi, un homme peut uriner en public, mais uniquement sur la roue arrière d'un véhicule motorisé sur lequel il aurait préalablement posé sa main droite. Et finalement, une femme n'a pas le droit de manger du chocolat dans les transports publics. Maintenant, on se transporte en France. Aucun cochon ne doit se faire appeler Napoléon par son propriétaire. On se doute ici que c'est une loi qui a dû être promulguée par l'empereur du même nom. Toujours en France, il est illégal de s'embrasser sur les rails. De 8h à 20h, 70% de la musique qui passe à la radio doit être de la musique française. Bon, ça fait du sens. C'est un petit peu comme les lois qu'il y a au Québec. La suite. Les femmes n'ont pas le droit de porter des pantalons, sauf si elles sont à cheval ou à vélo. Une autre loi, la loi du 26 Brumaire de l'an 9 de la République, dispose que toutes les femmes désirant s'habiller en homme doivent se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation et celle-ci ne peut être donnée qu'au vu d'un certificat d'un officier de santé. Donc, c'est assez compliqué si une femme veut s'habiller en homme. Toujours en France, tout le monde doit avoir une botte de foin chez soi au cas où le roi passerait avec son cheval. Un cendrier est considéré comme une arme mortelle et à Paris, une poubelle est aussi considérée comme une arme mortelle. Maintenant, on se transporte en Suisse. Il est illégal de tirer la chasse d'eau dans les toilettes après 22 heures pour toute personne vivant dans un appartement. Alors que la prostitution est légale en Suisse, il est illégal d'utiliser les services d'une prostituée. Il est aussi illégal de repeindre sa maison sans permis de peindre et d'accord gouvernemental. Et les vêtements ne doivent pas être mis à sécher le dimanche. Vous ne pouvez pas laver votre voiture le dimanche et il est considéré comme un délit de tondre sa pelouse le dimanche. Donc, le dimanche en Suisse, il faut rester tranquille, on dirait. Maintenant, on se transporte en Italie. À Milan, il y a une loi qui dit qu'un homme peut être arrêté pour avoir porté une jupe. À Milan, une loi impose d'arborer un visage souriant en toutes circonstances, excepté pour les obsèques et autres visites à l'hôpital. Il est interdit à Capri de porter des chaussures bruyantes. À Vigevano, près de Milan, il est interdit de s'asseoir à l'ombre d'un monument. À Heraclea, il est interdit de construire des châteaux de sable. Maintenant, en Grèce, tout jeu électronique doit être banni. Et on ne doit pas porter de chapeau dans le stade olympique car cela peut gêner la vue d'un autre. Au Danemark, il est interdit de démarrer une voiture si quelqu'un se trouve dessous. Et la tentative d'évasion de la prison n'est pas illégale. Cependant, si on se fait attraper, il est nécessaire de purger le reste de sa peine. En Suède, si un prince ou une princesse se marie sans le consentement du gouvernement, la personne perd le droit de succession pour ses enfants et tous les autres descendants. En Finlande, les chauffeurs de taxi doivent payer des redevances s'ils jouent de la musique dans leur voiture. En Thaïlande, il est illégal de sortir de la maison si vous ne portez pas de sous-vêtements. En Israël, vous ne pouvez pas faire du vélo sans permis. À Arad, il est interdit de nourrir les animaux en public. Et à Haïfa, il est interdit d'apporter des ours sur la plage. Bon, quand est-ce que tu es obligé de passer une loi qui interdit les ours sur la plage? Qu'est-ce qui s'est passé à Haïfa pour qu'on interdise les ours? J'ai fouillé sur Internet et j'ai rien trouvé. Il semble y avoir plein de bars qui se nomment Beer Bar sur les plages de Haïfa, mais rien en lien avec cette loi. Donc, désolé, je trouve rien. J'aurais aimé trouver la raison de cette loi. Maintenant, en Chine, vous pouvez aller à l'université seulement si vous êtes intelligent. À Singapour, la vente de la gomme est interdite et le saut à l'élastique est lui aussi illégal. Toujours à Singapour, la pornographie est illégale. Il est considéré comme pornographique de marcher nu autour de votre maison. Maintenant, on s'en va en Thaïlande. Vous devez porter une chemise en conduisant une voiture et nul ne peut marcher sur l'une des devises du pays. Donc, tu n'as pas le droit de marcher sur les billets de dollars de la Thaïlande. Corée du Sud, les agents de circulation sont tenus de déclarer tous les pots de vin qu'ils reçoivent des automobilistes. Et maintenant, finalement, on arrive à la section Canada-Québec. Lisons-la pour voir si ça fait du sens. Canada, un marchand a légalement le droit de refuser le paiement d'un produit de 50 cents en pièces de 1 cent. Il est interdit d'enlever ses pansements en public. Ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Il est illégal d'écouter ou de voir des postes satellites qui n'ont pas de licence du gouvernement canadien. Donc, utiliser des antennes paraboliques américaines est illégal. Bon, ça fait du sens. Il est illégal de tuer une personne malade en lui faisant peur. Bon, ici, ça fait aucun sens, mais ils ont spécifié l'article de loi qui est marqué C-34, article 211. Donc, j'imagine que c'était écrit vraiment pour vrai. Il est aussi illégal de prétendre pratiquer la sorcellerie ou prédire l'avenir. Donc, est-ce que tous les médiums annoncés dans les journaux sont illégaux? C'est l'article 323. Des bandes dessinées qui montrent en forte proportion des actes illégaux sont interdits. C'est l'article 163. En Nouvelle-Écosse, lorsqu'il pleut, une personne n'a pas le droit d'arroser sa pelouse. Ah bon. Au Québec, les producteurs de margarine ne peuvent faire de la margarine jaune. Effectivement, c'était vrai, mais je pense que cette histoire fait partie du passé. Maintenant, on peut avoir de la margarine de la même couleur que le beurre, mais effectivement, pendant longtemps, c'était interdit. À Montréal, l'hôtel La Reine-Élisabeth doit donner à manger gratuitement à votre cheval si vous louez une chambre. En Ontario, à Oshawa, il est illégal de monter dans les arbres. À Ottawa, il est interdit de manger de la crème glacée sur Bank Street le dimanche. À Toronto, vous ne pouvez traiter un cheval... Vous ne pouvez traîner un cheval mort sur Yonge Street le dimanche. Uxbridge, il est interdit d'avoir Internet à haute vitesse, à une vitesse plus rapide que 56K. Voilà, c'était les lois un peu bizarres qui ont été promulguées, probablement dans d'autres époques, ce qui les rend drôles maintenant. L'autre section de l'article est consacrée aux États-Unis. Il y a plusieurs pages. En fait, je viens de vous lire la portion internationale et 80% du reste est juste sur les États-Unis. Comme quoi, il semble avoir en vigueur des lois qui font aucun sens aux USA. Je me lance pas dans leur lecture. On en a pour 30 minutes si je les lis. Je vous lis seulement un état pour conclure avant de partir en musique. Donc, pour l'Ohio, à Cleveland, les femmes n'ont pas le droit de porter de chaussures en cuir car on peut voir leurs sous-vêtements par réflexion. Il est aussi illégal de vendre des cornflakes le dimanche. Il est illégal pour une femme de se dévêtir devant le portrait d'un homme. Et finalement, à Folding, un policier a le droit de mordre un chien pour le calmer. Voilà, ça en dit long sur les États-Unis. Demande spéciale de Martin. Lorsque des étrangers viennent visiter notre pays, il est normal que nous leur en montrions les plus charmants côtés. Question de point de vue. Moi, je pense que quand les étrangers viennent visiter le pays, il y a une chance sur deux que ce soit des envahisseurs et que dans le doute, il faut leur mettre des flèches dans la tête. Sûr, enfin, c'est ridicule. Tout l'argent va encore passer dans un appareillage insensé dont la seule fonction est de couper les gens en morceaux. Oh, mais j'ai pas envie d'expliquer le pourquoi, du comment. Je pense que si on balance le blé dans les balles... Mais je ne parle pas de balles. Il s'agit de mettre en place une troupe permanente d'artistes-danseurs qui puissent faire démonstration des danses traditionnelles. Cette tourelle, non, vous êtes complètement dingue, à chaque fois il vous en faut un peu plus. Bah oui, on est sur une île et je mets des tourelles sur les côtes, alors tant que j'aurai pas fait le tour, il m'en faudra encore. Je ne parlerai pas de l'aspect esthétique de la chose. Sécurité, sécurité. Oh, mais la sécurité se porte bien. Même un crabe n'aura aucune chance de franchir les lignes. Ça prouve que je fais mon boulot. Non, mais je vais vous dire, alors franchement, je suis d'accord avec vous, on n'est jamais trop prudent. Quoi ? Ah non, sûr ! Mais laissez-moi finir. Simplement, voilà, pour cette fois, on va être obligé de remettre la construction à plus tard. Dites, vous escomptez pas me faire le coup du budget, j'espère. Parce que je vous rappelle qu'en cas de nécessité militaire, vous êtes tenu d'emprunter le blé au pays voisin. Alors, ah non, mais le problème, c'est pas le blé, c'est le bois. Quoi, le bois ? Le bois, il n'y en a plus. Ben oui, entre les incendies de cet été et le reste, les pécores nous ramènent presque moitié moins de bois qu'avant. Et puis, il faut bien qu'on se chauffe. Il n'y a qu'à emprunter le bois, alors, à la place du blé. Ah non, mais je crois bien que la pénurie s'étend aussi au pays voisin. Vous vous foutez de moi ? Écoutez, on va demander un rapport aux paysans, on avisera. Et pour les danseurs, sire ? Alors oui, on va être obligé de repousser aussi. Mais pourquoi ? Parce que je peux pas blairer la danse. Donc on est d'accord, vous venez en séance de doléances et vous expliquez le coup du bois. Je suis pas bien chaud aussi, hein. Non mais ça fait pas très sérieux. Du bois, on a tout le tour du ventre. Est-ce que vous croyez que mon beau-père est au courant des stocks ? Hein ? Enfin, je vous demande pas d'entrer dans le détail. Vous racontez qu'on n'a plus de bois et que c'est pareil dans les pays voisins. Voilà, ça prend 5 minutes. Et surtout, discret. Qu'ils n'apprennent pas que je suis venu là. Et s'ils me demandent pourquoi il n'y en a plus de bois ? Eh ben, vous inventez une bricole. Vous démerdez. Vous dites qu'il n'y a plus de bois et surtout que je ne peux pas l'acheter ailleurs. Parce qu'attention, si je peux l'acheter, il peut m'obliger à le faire. Vous obligez ? Ah bah. Vous n'êtes pas le taulier ? On peut vous obliger à faire des trucs ? Non, mais. Qu'est-ce que vous voulez ? Le problème, c'est que j'ai délégué la défense à mon beau-père. Voilà. Je venais de me marier. J'ai voulu faire un geste. Enfin, quand je vois ce que ça me coûte, j'aurais mieux fait de lui acheter une chèvre. Mais enfin, mais c'est dingue cette histoire. Oui, c'est la vacherie, quoi. Je voulais un seul bout de bois, dit. Puis c'est pas la peine d'aller chercher chez les voisins, c'est pareil. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, bon Dieu ? C'est la première année que ça fait ça. Oh, je crois que les facteurs sont multiples, hein. C'est une question de conjoncture. Remarquez, je vous dis ça, mais ce bois-là, ça fait peu de temps que je le connais, je suis même pas sûr qu'il faille le mettre là. Ok, merci Guetno de nous éclairer de vos lumières. Par contre, j'ai un petit stock personnel que j'ai amassé petit à petit ces dernières années en cas de coup dur. Bon, si c'est pour la défense du pays, je vous le cède. Enfin, je vous le cède, je vous le vends. Plus cher, évidemment. Quoi ? Bah, c'est la pénurie, les prix flambent. C'est parce qu'on les pécores qu'on sait pas compter. Allez, je me sauve. Attendez, vous êtes chez vous tout à l'heure ? Ça dépend. Non, parce que je vais passer avec quelques hommes pour démonter votre baraque, c'est mieux si vous êtes là. Démonter ma baraque ? Ah bah oui, ça en cas de pénurie, c'est une prérogative militaire. Hein. Ça fait plus de bois. Tiens, je l'avais oublié cette loi. Mais c'est surtout que je vous l'avais jamais dite. J'avais peur que vous rasiez toutes les cabanes du pays. Ah bah ouais, peur justifiée. Voilà déjà ma dernière intervention dans ce Lobster 75.0. Mais je voulais vous parler de bande dessinée avant de quitter. Si vous cherchez une bonne série à lire en ce début de saison scolaire, si vous cherchez une série à acheter en cadeau, à emprunter à la Bibli, moi je viens de me relancer dans la lecture de la série Les Petits Hommes. Je vous rappelle le sujet de la série. Le synopsis est le suivant. C'est dans le petit village de Rajvol que commence l'aventure des petits hommes. Un chercheur trouve un fragment de météorite dans son jardin. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que sa découverte va bouleverser la vie de tous les habitants du village. Ce morceau de météorite, lorsqu'il est touché, a pour effet de réduire la taille de celui qu'il touche. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'un simple contact physique avec une personne contaminée entraîne les mêmes effets. Ainsi, le lendemain, ce sont tous les êtres humains du village qui ont rapetissé. Les petits hommes n'ont alors plus d'autre choix que de créer une nouvelle ville à leur taille, Eslapion. Grâce au docteur Joachim Odinger, les petits hommes bénéficient rapidement d'une technologie très avancée qui leur permettra de venir à bout de toutes les difficultés auxquelles ils seront confrontés, mais au prix de maintes péripéties. Voilà, c'est bon dès le premier tome de la série. La seule technicalité de cette série, c'est que le numéro 1 est présenté au tome 19 qui se nomme Alerte AS Lapion. Donc, quand vous achetez le premier volume dans l'ordre, vous vous trouvez à avoir le volume 2, et quand vous êtes rendu à 19, il vous explique comment ils sont devenus des petits hommes, c'est le volume 1. Et ne me demandez pas pourquoi ils nous ont fait ça comme ça, ça change pas grand chose, c'est vraiment une bonne série à lire. C'est une série qui contient en tout 45 tomes. Voilà, c'était ma dernière intervention, je vous souhaite une belle semaine, et on se reparle la semaine prochaine. Garantie, peu importe la question. Moi qui crains le futile comme la peste. M'y voici parvenu. Moi qui ai prêté mon entre souvent à de grandes conceptions. J'atteins le cliché assommant, celui de l'autodérision. À force de jouer les imbéciles, je le suis devenu. Le prochain célibataire va maintenant se présenter à nos trois candidates. Bonsoir, mesdemoiselles. En passant, vous êtes assez touffes, tout fantastiques, chacune d'entre vous. Alors moi, je suis propriétaire de bar, je m'appelle Steve. Moi, je suis un enfant de Chicoutimi. On dit souvent de moi que je suis un troubadour, toujours un peu bohème, un mangeur de toutes sortes de cuisines. Ici, je dois dire que je m'attends de votre part à me faire supporter dans les moments difficiles, de façon orale, bien sûr. Alors, mon but, ce serait de toutes vous aligner, c'est comme une après l'autre, puis de toutes vous fournir l'occasion de mieux me connaître, puis moi aussi, de l'autre bord, de bien vous approfondir, puis déjà, je sens qu'il y a une chimie entre nous. Alors, celle que je recherche a une grosse personnalité, puis en plus, c'est très important qu'elle n'a pas de problème avant de venir ici. Puis aussi, qu'elle aime se faire venir dans son appartement des mets chinois. Moi, je suis vraiment amateur de mets chinois. Et je voudrais vous dire, en terminant, que vous êtes une gang de salopes, pas d'allure, à quel point vous êtes élégante ce soir, mesdemoiselles. L'autre jour, j'étais à ma caisse en train de rouler des sets noirs puis de casser d'élastique. Il y a une grosse madame qui rentre dans le magasin. La madame, elle va dans le papier de toilette puis elle en ramasse 8 rouleaux. J'ai dit, madame, qu'est-ce que vous faites là? Elle dit, ben, j'achète du papier de toilette épaisse. J'ai dit, ben oui, mais vous n'en avez pas besoin de 8 rouleaux. C'était pas pris de tous les jours. Elle dit, ben, chez nous, madame, on est 6 puis on chie tous les jours. La madame était pas contente. Fait qu'elle en a été achetée au Club Price à la place. C'est ça, Walmart! Walmart! On donne des jobs à du monde qui n'en aurait pas autrement. Puis on leur fait faire nos annonces pour sauver de l'argent. Monsieur, pourquoi vous voulez une caisse de Cantbox? Ah! La nature. Ça fait du bien de se retrouver seul sur une île avec 10 000 mouches noires et un bon bol de Halbrun. Halbrun facilite la régularité. C'est-à-dire qu'il permet régulièrement de... Pardonnez-moi, je reviens tout de suite. Halbrun, goûte mes champs. Donc, c'est bon pour la santé. Ces petits grains ressemblent étrangement à de la litière à chat. Même mon chat s'y trompe. L'autre jour, j'ai laissé la boîte ouverte et je me suis retrouvé avec des Raisin Bran. Oh, excusez-moi. Un bon bol de Halbrun constitue une excellente source de hall, de brun et de bol. D'ailleurs, j'en suis à mon 4e aujourd'hui, et laissez-moi vous dire que... Oh! Parlons maintenant de la pollution de nos lacs. L'absence de fosses septiques cause des torts irréparables à l'environnement. Et je... Les Halbruns de Kellogre, à l'écoute de la nature... Ouh, pardonnez-moi. Désolé, mais je vais avoir besoin de la boîte de carton. Ça, là, c'est un journal de Montréal. Ça, c'est un gros Pepsi. Ça, c'est une boîte de Joe Louis. Puis ça, c'est un petit chip au vinaigre. Criche, je suis bien. Le journal de Montréal. Criche, je suis bien. Salut, ici Pince à Raisin avec vous dans l'émission Solid Rock. Dans les prochaines 10 minutes, on va visualiser des vidéos de Destroy, de Hit My Body Until I Vomit et de Kick This Bastard in the Schnauz. Mais par avant, j'ai des petits potins pour vous. Il y a le batteur du groupe Def Leppard, celui qu'on sait qu'il a perdu un bras gauche, eh ben, il vient de subir l'opération de l'ablation de la moitié droite du cerveau pour compenser. Il y a aussi l'ex-guitariste de Led Zeppelin, Jimmy Page. Eh bien, lui, il semble qu'il y a des problèmes monétaires d'argent et qu'il a vendu son âme au diable pour 3,95$. Et aux dernières minutes, on vient d'apprendre qu'il semblerait que les Scorpions se piquent. Finalement, également, j'ai reçu une lettre de JP de Repentigny aussi. J'aimerais ça vous la lire, mais malheureusement, je sais pas lire. Financières ont libéré tous ces véhicules. Oui, c'est encore moi le gars qui parle fort pour vous vendre des machines. C'est moi qui paye l'annonce, c'est moi qui parle. Chez Encore Véhicules Grenon, on a tous les modèles de voitures. T'as juste à les demander. Si on l'a pas, on va aller t'avoler. Oui, toutes nos voitures sont garanties. Personne ne pourra jamais les retracer. C'est garanti. Kurdistan, Arabie, Afrique du Sud, Brésil. Hey, bonne chance, la police. Cette semaine, directement de la Nouvelle-Orléans, on a reçu une nouvelle flotte. Une nouvelle flotte. Toutes nos voitures ont survécu à au moins deux tornades. Chez Anka Véhicule Grenon, on vous donne une huitième chance au crédit. Un exemple. On vous a cassé une jambe, on vous passe un plâtre. Il vous reste un bras, on vous casse une jambe pour vous finance un char sur l'autre bras. Comment refuser? D'ailleurs, je te le conseille pas. Anka Véhicule Grenon, trois adresses, un seul numéro sans frais. Même pas obligé de venir la chercher, c'est le gros Gino qui va aller t'apporter. On vous attend. Légendes amérindiennes. C'était le temps avant que l'homme voyait les choses différemment, quand le soleil, tel une boule d'argent dans le ciel aux étoiles, luminescente. Saumon Boiteux se souvient de ce temps, et ce soir, auprès d'un feu de circulation, il nous raconte une de ces vieilles légendes dont on a oublié le sens. Dans un village huronquois, autrefois, autour de Kanawagé, à côté de Sonagé, une jeune fille prénommée Awayanish chantait. Sa joie était grande. Celui dont elle était la squaw était parti à la chasse. Fouachiche était en transe, dans la trace d'un ours. Il serrait son totem fétiche en son poing, et de l'autre, il scrutait l'horizon. Soudain, l'ours se dressit devant lui. Fouachiche sentit l'outarde lui monter au nez, mais il se rapplit la parole de Magané, le vieux sorcier. Petit homme, calme-toi. Alors, Pouachiche danse la danse des canards sauvages, et le grand carnassier est possédé, hypnotisé par l'esprit de la tribu. Et Pouachiche lui calisse son tomahawk en pleine face. Puis, il lance vers les collines le cri du chasseur triomphant. Il est mort! Ce soir, sous le wigwam, sa squaw Awayanish mâcherait les intestins de l'ours pour faire des raquettes, pendant que lui mâcherait le pancréas pour le fun. Oui, Saumon Boiteux se souvient de tout cela et se demande bien ce que l'homme blanc peut y trouver d'intéressant. Génie en herbe. Bonsoir, chers téléspectateurs, ici Benoît Michel, et bienvenue à la grande finale internationale de Génie en herbe, mettant aux prises pour la France le lycée des langues supérieures d'Entrailles-les-Oies. Patrice Leplastron. Bonsoir. Zoé Tatillon. Bonsoir. Tristan d'Auvergnat. Bonsoir. Et Didier Pointilleux. Bonsoir. Veuillez appuyer sur vos déclencheurs, je vous prie. Et maintenant, représentant le Québec, l'école de réhabilitation Saint-Jean de Bosco. Ouais! Ouais! Ouais! Ouais! Ouais! Ouais! Bon, bon, bon, bon, Ralph Touchette. Ouais! Keller Manzarek. Oderek. Wally Plourde. Ouais! Et Bonzo Gariepi. Absent. Du calme, je vous prie, du calme. Veuillez appuyer sur vos déclencheurs, s'il vous plaît. Plaît-il? Le buzzer. Hé, hey, hé, hey, parle en français, si on dit la titine. Alors, on commence tout de suite avec la question protocolaire. Entrailles-les-Oies, comment appelle-t-on les habitants du Québec? Les colons? Les hommes des cavernes? Les Québécois. Bravo, 10 bons points pour vous. Maintenant, Saint-Jean de Bosco, comment appelle-t-on les habitants de la France? Non, malheureusement. Nous passons maintenant aux questions individuelles. Catégorie orthographe. O-R-T-O-G-R-A-F-A. Attendez la question, s'il vous plaît. Je la veste. D'abord, Entrailles-les-Oies, pour 20 points. Le verbe promouvoir à la première personne du singulier du subjonctif. Que je promeuve, M-E-U-V-E. Tout simplement, voilà, 20 points pour vous. Maintenant, Saint-Jean de Bosco. Le verbe feindre à la première personne du singulier du subjonctif. Feindre, c'est-tu dans le sens de varger toutes ses forces dessus quelque chose ou bien dans le sens de feindre à semblant? Oui, c'est cela. Maintenant, éplé. Que je... Feindre. Pardon? Feindre. Feindre, c'est cela. Épeler feigne. Ouais, c'est ça que j'ai fait, là. Ça s'appelle comme ça se prononce. Et comment ça se prononce? Que c'est? Feigne. Mais comme tu l'as dit, c'est parfait. Bon, maintenant, feigne. Oui, c'est bon. Feigne. E-I ou A-I? Voilà, E-I, 10 points pour vous. All right! Pardon, je voudrais m'insurger contre la procédure. Culture. Quel fut l'acteur principal du film Le vieil homme et l'enfant? Lucien es-tu? Non, ce n'est pas cela. Entraille les oies. Il s'agit bien sûr de Michel Simon, comédien français d'origine suisse, décédé à Brie-sur-Marne en 1975. Il devint comédien à Paris dans les années 20 et joua dans de nombreux films de Carnet, Renoir. On se souviendra avant. D'ailleurs. C'est très bon, 20 points. Maintenant, quelle est l'actrice principale du film Le dernier métro? Bouderec. Non, ce n'est pas Bouderec. Oh. Métro, c'est Marguerite Blaise. Entraille les oies. Non, malheureusement, il s'agit de Catherine Deneuve. Comment appelle-t-on la chaire d'un recteur d'université? Le rectum! Subtil! Non, ce n'est pas cela, il s'agit du rectorat. Réveille, bonhomme! Rectum, c'est en latin, c'est-tu? Bon, nous allons consulter le juge. Alors, nous vous accordons la réponse. Maintenant, droit de réplique au vis-à-vis de l'autre équipe. Pour Saint-Jean de Bosco, quelle heure? Que signifie « requiest antem pace »? Crève, mon sale! Non, ce n'est pas cela. Droit de réplique entre les oies, Tristan. Repose en paix. Voilà, 20 points. Hey, c'est ça, je l'ai dit! Hey, du calme, du calme. Pour Saint-Jean de Bosco, Ralph. Dans quoi Obélix est-il tombé quand il était petit? Dans ma... Non, droit de réplique, Didier. Dans la potion magique. C'est cela, 20 points. Ah, des champignons magiques. C'est maintenant 90 à 40 en faveur de l'équipe d'Entrailles les oies. Hey, c'est arrangé! Je suis une personne qui dénonce en vue d'une récompense. Patrice? Un premier de classe? Non, malheureusement. Bonzo? Un délateur? Oui, c'est cela, un délateur. Ouais! Une cantonade. 10 points par bonne réponse. Produit huileux de couleur brune ou noire utilisé pour le revêtement des routes. Le goudron. Oui, c'est cela, le goudron. 10 points. Comment ça, tu connais ça? C'est avec ça que je coupe mon rouage. Je suis un anhydride arsénieux, aussi appelé mort au rat. L'arsenic blanc. Bravo, 10 points. Avec ça que je coupe ma gueule. Liquide organique limpide évacué par l'urètre. De la pisse? De l'urine, j'accepte la réponse. Tu vas pas avec ça? La bière! C'est maintenant l'égalité. 90 à 90 en faveur d'Entrailles les oies. Sport. À quel sport associez-vous les vedettes suivantes? Entrailles les oies, Guy Lafleur. Le javelot. Non, c'est le hockey. Saint-Jean de Bosco. Eddy Merckx. Merckx. Non, c'est le cyclisme. Entrailles les oies, Gaëtan Boucher. Le hockey? Non, ce n'est pas cela, malheureusement. Le hockey niaiseux, c'est le patinable, le fantaisie. Et finalement, Saint-Jean de Bosco, Michel Platini. Comment il donne sa queue, toi? Le soccer ou le football, 20 points. Et c'est la fin du match. Entrailles les oies à 90 points et Saint-Jean de Bosco 110. Saint-Jean de Bosco remporte donc la grande finale internationale de Génie en herbe. sanguin. On passe toutes nos journées à travailler dans la mine. Puis toute la fin de semaine, on regarde passer les machines. Pour préserver la mémoire de notre aïeul, on passe toutes nos soirées à se saouler la gueule. Puis quand on est garlot, on se tapoche entre amis avant de s'endormir dans notre plaque de vomi. Cette belle région que nous sommes fiers d'habiter, sans autre prétention, on se doit de l'avouer. C'est tout. C'est un trou. Dans mon petit patelin, y'a Fernand l'albinos. Pis le petit Adrien, celui qui a juste une gosse. Y'a la grosse Marie-Pierre, elle a mangé des fourmis. Parce qu'on y a fait à craindre que c'était des Rice Krispies. Hey, tout le monde! Allons, le cotton servi du mal et ma cousine. Qui nous ont poignés à baiser dans farine. Et je suis le repère d'un joli petit coupon qui nous fait des babayes avec son petit bras dans le front. Depuis que Glorémont a une carabine à pion, il y a beaucoup moins de touristes dans la région. Chez vous. Quand il neige partout, mon frère a rôle fou. Il fonce dans le monde avec son skidou. Quand arrive le printemps pis qu'il fait moins frais, il continue à faire du skidou dans la boîte. Non, c'est jamais finalement. Quand tu meurs à mille pieds sous terre, ça coûte moins cher de frais funéraires. C'est un I'm not a baby.